السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on continue l'explication de Kitab Tawhid, l'explication résumée de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك On a déjà fait cette partie. Hein. باب ما جاءنا بعد هذه الأمة يعبد الأوثان وقول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Donc l'auteur qui est cheikh l'islam Mohammed bin Al-Wahhab رحمه الله تعالى, il dit chapitre sur ce qui a été rapporté sur le fait que certaines personnes de cette communauté adorent les idoles. Et la parole d'Allah, le Très-Haut, dans la traduction du sens est: n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée avoir foi à la magie, Égypte et au Tarout. Surat Nisa, verset 51. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. دونك شيخ الفوزان حفظه الله تعالى ليكسبليك سيت بارتي دو شابيتر ان ديزون le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité, et que l'auteur, comme il a fait mention de l'unicité et de ce qu'il annule ou la diminue en termes d'association à Allah, il a dit dans ce chapitre que cette association doit se produire dans cette communauté, et son intention est de réfuter les adorateurs de tombes qui commettent l'association à Allah Azza wa Jal. Et ils disent l'association ne se produit pas, elle ne peut pas se produire dans cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils disent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cheikh Al-Fawzan, comme son habitude, hafidahullah ta'ala, il explique les termes. Et il dit: Al-Awthan, jam'u wathanin. Wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa' al-ibadati min al-qubur wal-mashahidi wa ghayriha. Al-Awthan, c'est le pluriel de wathanun. Et c'est ce qui est le sujet d'une adoration parmi les types d'adoration, comme les tombes et les lieux de réunion et autres. Alam tara, alam tanzur. Alam tara, ne regardes-tu pas, ne vois pas, ne vois-tu pas. الذين أوتوا أعطوا وهم اليهود والنصارى. الذين أوتوا, ils ont reçu, et ce sont les juifs et les chrétiens. نصيبا حظا, c'est une partie, une part. نصيبا, يؤمنون, أي يصدقون, ils croient comme véridique, ils croient. بالجبت, وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. بالجبت, c'est un mot qui s'applique à la statue et au devin et au magicien. والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت والمراد به هنا الشيطان. والطاغوت vient de الطغيان qui est le de dépasser la limite, et donc toute personne qui dépasse la mesure et la limite est un طاغوت, et ce qui est voulu ou entendu ici c'est Satan, شيطان. المعنى الإجمالي للآية: يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par étonnement et par blâme: ne regardes-tu pas ces juifs et ces chrétiens qui ont reçu une part du livre d'Allah dans lequel il y a une clarification qui distingue le vrai du faux? Et malgré cela, ils croient au faux comme l'adoration des statues et la divination et la magie, et ils obéissent à Satan en cela. مناسبة الآية للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Donc le rapport entre le verset qui est cité ici et le chapitre, si ceux qui ont reçu une partie du livre croient au Jibt et au Tarout, alors cette communauté qui a reçu le Coran, il n'est pas impossible qu'elle adore le Jibt et le Tarout. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il allait avoir dans cette communauté des gens qui allaient faire les actes des juifs et des chrétiens en conformité avec eux. Et ce même s'ils détestent ces actes et connaissent leur fausseté. Ma yustafadu min al-aya. أولا أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. Premier enseignement, il y aura dans cette communauté des gens qui adorent les idoles comme cela est arrivé aux juifs et aux chrétiens. ثانيا أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها يعرف بطلانها. Deuxième enseignement tiré de ce verset, la foi en l'Égypte et au Tarout a pour sens ici d'être en conformité avec leurs gens. Et ce même si elles sont détestées et si leur fausseté est connue. Thalithan, an al-kufr bil-jibt wa at-taghut wajib fi jami' al-kutub as-samawiyyah. La mécréance au Jibt et au Tarout est une obligation dans tous les livres célestes. Rabi'an, wujub al-'amal bil-'ilm wa anna man lam ya'mal bi-'ilmihi fa fihi shabah min al-yahud wa an-nasara. Quatrième enseignement tiré de ce verset, l'obligation de mettre la science en pratique. Et celui qui ne met pas sa science en pratique a alors une ressemblance avec les juifs et les chrétiens. On continue dans le texte de Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et il dit « وَقَوْلِ تَعَالَى قُلْ هَلْ أُنَبِّكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et il cite un verset, il dit, et la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarout. Surat al-Ma'idah, verset 60. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il explique ce passage en disant, Qul al-khitabu li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qul dit cela, c'est-à-dire dit, et cela s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hal unabbi'ukum ay ukhbirukum, je vous informe, bi sharrin min dhalik alladhi dhakartum fi haqqina min adh-dhammi zuran wa buhtana min qawlikum fi haqqina ma ra'ayna sharran minkum. Bi sharrin min dhalik, de ce qu'il y a de pire, ce que vous avez dit à notre sujet en termes de blâme de manière fausse et calomnieuse. Et c'est votre parole, nous n'avons pas vu pire que vous. Mathoubatan indallah, ay jaza'an indahu yawm al-qiyamati nusiba ala at-tamyiz. Wa hadha yasduqu alaykum antum ayyuha al-muttasifuna bi hadhihi as-sifati la nahn. Mathoubatan indallah, c'est-à-dire en rétribution chez lui, le jour de la résurrection. Et ici, c'est à l'accusatif, c'est-à-dire un nasb, en guise de distinction. Et donc cela est vrai à votre sujet, vous qui possédez ces caractéristiques et pas nous. من لعنه الله طرده وابعده من رحمته كالله اباني ايلواني دو سا ميزيريكورد. On avait déjà vu que c'est ça le sens de la malédiction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده, qui a encouru sa colère, une colère après laquelle il n'y a pas de satisfaction. وجعل منهم القرده وهم اصحاب السبت من اليهود, et ce sont les gens du samedi parmi les juifs. والخنازير هم كفار مائدة عيسى من النصارى وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت من اليهود فالشباب مسخ قردة والشيوخ مسخ خنازير. والخنازير, et ce sont les mécréants de la table servie de Isa, de Jésus alayhi salam, parmi les chrétiens. Il a aussi été dit que les deux mesch, c'est-à-dire qu'on peut traduire par transformation, déformation, métamorphose, sont au sujet des gens du samedi parmi les juifs. Et que donc les jeunes ont été transformés en singes et les vieux en porc. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له وعبد الطاغوت c'est-à-dire qu'il a fait de certains d'entre eux des adorateurs de Satan. Hein? C'est-à-dire qu'ils l'ont obéi dans ce au sujet duquel il les a séduits, il les a tentés. والمعنى الإجمالي الآية le sens général du verset يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم ومن مسخت سورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لعلينا. Le sens général du verset, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, Allah le Très-Haut dit à son prophète, dit à ceux-là qui ont pris leur religion comme une moquerie et un jeu parmi les gens du livre, ne vous informerai-je pas de ceux qui auront la pire des rétributions le jour de la résurrection auprès d'Allah ? Ce sont ceux qui ont ces caractéristiques qui sont, quelles sont ces caractéristiques ? Qui sont l'éloignement de la miséricorde d'Allah et l'obtention de sa colère de manière continue. Et ceux dont l'image a été déformée de manière apparente en les transformant en singes et en porcs, et intérieurement, donc extérieurement en les transformant en singes et en porcs, et intérieurement par l'obéissance à Satan, et le fait qu'ils se détournent de la révélation du très miséricordieux Ar-Rahman. Et ces caractéristiques ne s'appliquent qu'à vous, aux gens du livre, et à ceux qui vous ressemblent, même pas à nous. Munasabatu al-ayati lil-bab, anhu idha kana fi ahl al-kitab man abada al-taghut min dunillah. فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. Le rapport entre le verset et le chapitre. Si parmi les gens du livre, il y a des gens qui ont adoré le Tarout en dehors d'Allah, alors de même, il y aura dans cette communauté des gens qui feront de même. ما يستفاد من الآية. On arrive aux enseignements tirés de ce verset, de Sourate Al-Ma'ida, le verset 60. ما يستفاد من الآية. أولا وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. Le premier enseignement, c'est l'association à Allah se produit, arrive dans cette communauté, comme il y a eu des gens parmi les juifs et les chrétiens qui ont adoré le طاغوت. ثانيا محجة أهل الباطل وبيان ما فيه من العيوب إذا نبزوا أهل الحق بما ليس فيهم. L'argumentation contre les gens du faux et la mise en évidence de ce qu'ils possèdent comme défaut lorsqu'ils critiquent les gens de la vérité en leur attribuant des caractéristiques qu'ils n'ont pas. Thalithan, anna al-jaza'a innama yakunu 'ala al-a'mal wa yakunu min jins al-'amal. Troisième enseignement, la rétribution ne sera qu'en fonction des actions et elle est du type de l'action. Rabi'an, wasfu Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu yaghdabu wa yal'anu al-'usah. Attribue à Allah qu'il se mette en colère, subhanahu wa ta'ala, et qu'il maudit les désobéissants. Khamisan, ana ta'at al-shaytani, hiya mansha'u shirki billah. L'obéissance à Satan est l'origine, la source de l'association à Allah. On continue dans le matn. Wa qawli ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh l'islam, Muhammad ibn Abdouhab, rahimahullah ta'ala, il dit: et la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est: mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent: élevons sur eux un sanctuaire. Et c'est la traduction du sens de Sourate Al-Kahf, verset 21. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui dit: الذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ. الذين غلبوا على أمرهم, ceux qui l'emportèrent, c'est-à-dire sur les gens de la caverne, et ce sont les gens qui avaient la parole et la mise en application. لنتخذن عليهم أي حولهم. لنتخذ عليهم, ils vont sur eux, c'est-à-dire autour d'eux. مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس يتبركون بهم. مسجدا, un sanctuaire dans lequel ils prient et vers lequel les gens se dirigent. Et ils cherchent bénédiction, la baraka, auprès d'eux. Al-ma'na al-ijmali al-aya, le sens général de ce verset numéro 21 de Surat al-Kahf. Yukhbiru ta'ala anil ladina ghalabu ala amri ashabi al-kahfi ala wajhi d'am, لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلا يقصده الناس ويتبركون بهم. Le sens général du verset, c'est qu'Allah le Très-Haut informe de ceux qui l'emportèrent dans la discussion sur les gens de la caverne, et ce en guise de blâme envers eux, car ils ont dit « Élevons autour d'eux un sanctuaire, un lieu de prière, vers lequel les gens se dirigeront et auprès duquel ils chercheront la bénédiction, la baraka. » مناسبه الايه للباب ان فيها دليل على انه سيكون في هذه الامه من يتخذ المساجد على القبور كما كان يفعله من كان قبلهم. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset une preuve qu'il y aura dans cette communauté des gens qui prendront les tombes comme lieu de prière, comme l'ont fait ceux qui les ont précédés. ما يستفاد من الايه, les enseignements tirés de ce verset. اولا تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك لانه يؤدي الى الشرك. Le premier enseignement tiré de ce verset de sourate al-kahf, c'est le caractère illicite de prendre les tombes comme lieu de prière et la mise en garde contre cela, car cela mène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième enseignement, الفائده الثانيه انه سيكون في هذه الامه من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y aura dans cette communauté des gens qui prennent les tombes comme lieu de prière, comme l'ont fait ceux qui les ont précédés. Al-fa'idatu thalitha, le troisième bénéfice ou enseignement tiré de ce verset, at-tahdhiru min al-ghulu'i fi as-salihin, la mise en garde contre l'exagération envers les vertueux. Rabi'an, an-ittikhad al-masajid al-qubur min al-ghulu'i fi as-salihin. Prendre les tombes comme lieu de prière fait partie de l'exagération envers les vertueux. On continue dans le matn. Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit an Abi Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil-quzzah hatta law dakhalu hujra dabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan-nasara, qala fa man akhrajahu. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, d'après Abu Saïd, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédé comme se ressemblent les plumes d'une flèche, à tel point que même s'ils entraient dans le trou d'un neuromastique, c'est un genre de lézard, vous les y suivriez. Ils dirent, ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens? Il répondit, sinon qui? Il s'est rapporté par les deux. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il dit, sanana bifathi sin ay tariqa. Sanana, avec une fatha sur le sin, c'est-à-dire la voix. Man kana qablakum, ay alladhina qablakum min al-umam. Ceux qui vous ont précédé parmi les communautés. Hadwa, mansoubun al-masdar, ay tahdhuna hadwahum. Hadwa, ici c'est à l'accusatif du radical, si vous voulez, c'est ce genre de traduction, c'est difficile à faire. C'est-à-dire, vous marcherez sur leurs traces. Et c'est le verbe hadha, qui veut dire être sur les traces de quelqu'un. Et ce verbe-là, il existe écrit de deux manières, avec l'alif mamdouda, et c'est celui-ci, hadha yahdou, et yahadha yahdi, avec l'alif maqsoura, qui n'est pas le même sens. Al-qudha, bid-dhamm al-qaf, wahidatu al-qudhadi, wa hiya rishu al-sahmi, wa lahu qudhatani mutasawiyatan. Al-qudha, avec une dhamma sur le qaf, c'est le singulier du mot qudhat, qui sont les plumes de la flèche qui a deux plumes égales. Hatta law dakhalu hujra dabbin ay law tusawwira dukhulhum fihi min ma'adiqi. C'est-à-dire même s'ils entraient dans le trou d'un neuromastique, d'un genre de lézard comme on a dit. C'est-à-dire si on imagine leur entrée dans ce trou malgré son étroitesse, malgré le fait que ce soit très étroit. La dakhaltumu لشدة سلوككم طريق من كان قبلكم أو من كان من قبلكم. Vous y entreriez en raison de votre fort suivi, de votre suivi très fort de ceux qui vous ont précédé. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى الذين اتبعوا سننهم أو تعني اليهود والنصارى. Ils ont dit, oh messager d'Allah, les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens dont nous suivons les voies, ou tu veux dire que ce sont les juifs et les chrétiens? Qala faman istifhamun inkari, ay faman hum ghayra ulaik. Il dit sinon qui? Et ceci est une interrogation en guise de blâme. C'est-à-dire qui d'autre que akhrajahu, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les deux, comme on a dit, et ici c'est al-Bukhari wa Muslim, wa hada lafdu muslimin. Il a rapporté ce hadith par al-Bukhari et Muslim, et la formulation ici est celle de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maintenant, le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali du hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي عن ما يتضمنه هذا الخبر أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا ولو كان شيئا تافها ويؤكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات وهي اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد ووصف مشابهة بأنها كمشابهة قدة السهم للقدة الأخرى ثم وصفها بما هو أدق في التشبه بهم بحيث لو فعلوا شيئا تافها غريبا لكان في يد الأمة من يفعله تشبها بهم. Quel est le sens général de ce hadith, le hadith d'Abu Saïd radiallahu anhu? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe d'une information qui a valeur d'interdiction quant à ce que contient cette information, et c'est que sa communauté ne laisse rien qui ait fait les juifs et les chrétiens sans qu'ils ne le fassent eux aussi entièrement, et qu'ils n'en laissent rien, même si ce n'est qu'une chose sans importance, insignifiante. Et il confirme cette information de différentes manières, par différentes figures de style, par ce qu'on appelle en arabe « al-lam al-mouti al-qasam »« La tattabi'unna » et aussi par « nun tawkid »« La tattabi'unna » avec le « nun tawkid » à la fin, qui sont des manières que les Arabes utilisent en langue arabe pour confirmer ou exprimer l'insistance sur quelque chose. Et aussi en décrivant la ressemblance comme en étant identique à la ressemblance entre les plumes d'une flèche. Et puis en la décrivant d'une manière qui est encore plus précise quant à la ressemblance à eux. Et c'est que même s'ils font quelque chose d'étrange et d'insignifiant, il y aura dans cette communauté des gens qui le feront par ressemblance à eux. Maintenant, on a le rapport entre le hadith et le chapitre. « Munasabatu al-hadith lil-bab » Le rapport entre le hadith et le chapitre « Anna fi dalilan ala wuqu' al-shirk fi hadhihi al-ummah » لأنه وجد في الأمم قبلنا ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une preuve que l'association à Allah se produit dans cette communauté, car cela s'est produit dans les communautés qui nous ont précédés, et qu'il y aura dans cette communauté des gens qui le feront par suivi de ceux qui ont précédé. ما يستفاد من الحديث les enseignements tirés de ce hadith. أولا وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقها من الأمم. L'association à Allah se produit dans cette communauté en imitation de ceux qui les ont précédés parmi les communautés. ثانيا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر. Deuxième point, deuxième enseignement tiré de ce hadith, un signe de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a informé de cela avant même que cela ne se produise, et cela s'est produit comme il en a informé. Thalithan, at-tahdhiru min mushabahati al-kuffar, la mise en garde contre la ressemblance aux mécréants. Rabi'an wa akhiran, at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffar min ash-shirk billahi wa ghayrihi mimma harrama Allah ta'ala, la mise en garde contre ceux dans lequel sont tombés les mécréants en termes d'association à Allah et autre chose parmi les choses qu'Allah le Très-Haut a interdites. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan. Et la semaine prochaine, on terminera ce chapitre, ce qui est un long hadith, je ne voudrais pas le couper en deux. Et c'est le hadith rapporté par un musulman d'après Thauban, radiallahu anhu. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.